bonsoir et bienvenue à Sur la transversale avec moi-même, Kevin Laramée. Quelle victoire de l'Impact de Montréal, 4-1 sur la route à Chester en Pennsylvanie, mieux connu sous le nom de la banlieue de Philadelphie. 4 buts pour l'Impact qui a fait une grande opération ce soir en Pennsylvanie. L'Impact qui se retrouve peut-être dans le siège du conducteur pour leur place en séries éliminatoires 2018. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du match de ce soir, évidemment de la victoire de l'Impact, des moments marquants, de la fin de la disette de Quincy Amariqua qui a marqué son premier but en Major League Soccer depuis le 12 août 2016. Et nous allons parler aussi du calendrier restant de l'Impact et du calendrier restant cette saison pour les deux clubs, selon moi, avec lesquels l'Impact va se battre pour une place en séries éliminatoires cette année. Le DC United et l'Union de Philadelphie. Trois clubs, deux places pour les séries. Et nous allons voir lequel de ces clubs a le calendrier le plus favorable, le plus défavorable, le plus facile, le plus difficile. On va regarder cela un petit peu plus tard dans l'émission. Commençons par parler de cette victoire de l'Impact 4-1 contre le Union de Philadelphie. Quelle force de caractère démontrée par le 11 montréalais ce soir sur la route. Leur troisième victoire sur la route seulement en 2018. Premièrement, quelle progression de mentalité, de force de caractère et de jeu, principalement cette année, en 2018, sous Rémi Garde. Nous avons vu une équipe qui était confiante de revenir de l'arrière et qui l'a fait, qui a pris l'opportunité qui était présente devant elle et qui a marqué et continué de marquer et continué de faire payer Philadelphie pour son ouverture offensive. Philadelphie, lorsqu'ils ont concédé le deuxième but, ont voulu ouvrir un peu, ont paniqué, ont vu leur espoir de faire les séries s'amenuire devant eux et ils ont eu la chienne en bon français. Et l'Impact a su profiter de ses erreurs et ses largesses de Philadelphie pour faire un grand moment, pour faire une grande opération. En anglais, on dirait un statement game. C'est un match fort pour l'Impact en 2018 sur la route. Premièrement, ça a commencé un peu malheureusement pour l'Impact de Montréal qui s'est fait dominer durant les premières minutes de ce match et surtout à la 11e minute, l'Union de Philadelphie marque, Austin Trusty marque sur un coup de pied de coin et la tête, et c'est dans le coin gauche du but. Evan Bush ne pouvait rien sur le jeu et c'est 1-0 Philadelphie. Mais comme ce fut le cas dans les récentes victoires de l'Impact de Montréal, l'Impact utilise la contre-attaque à merveille et sur un 2 contre 1, Alejandro Silva avec Piatti. Piatti a le ballon, court à la droite du terrain, remarque la course d'Ale Silva. Ale Silva est tout seul de son côté. Belle passe parfaite, le bon poids, bonne vitesse, bel angle de passe. Alejandro Silva se retrouve seul. Petit lob à la droite de André Blake. Et c'est maintenant 1-1. Les espoirs reviennent dans le camp montréalais. Ensuite, 39e minute, Saphir Tinder crée l'euphorie au bar frappé et partout où les fans de l'Impact écoutent ce match. 2-1 avec le but de Saphir Tinder. Et maintenant, l'Impact se retrouve avec les devants avant la mi-temps et c'est 3-1. Maintenant, on se retrouve à la 63e minute. Un jeu dans la boîte, Amariqua près du but se retrouve avec le ballon. Un centre, Amariqua finit le jeu pour marquer son premier but depuis le 12 août 2018. Tout sourit à Rémi Garde. De les acquisitions de la dernière fenêtre de transfert de l'Impact portent fruit. Azira a connu un bon match. Sagna, pas un grand match de Sagna, je vous dirais, mais on n'entend pas parler. Ça va bien. Il ne s'est pas brûlé. Il crée des opportunités. Beau centre. Sagnant, tout va bien, mais Amariquois réussit à finalement mettre fin à cette disette de plus de 2 ans en Ligue majeure de soccer. Et Amariquois marque son premier but avec l'Impact de Montréal. L'Impact de Montréal 3, l'Union de Philadelphie 1. Et pour terminer son grand match, Ali Silva se retrouve encore une fois 2 contre 1 avec Nacho Piatti. Nacho Piatti fait un très beau jeu. Remarque et reçoit la passe de Silva. Silva le ballon, il s'en vient, repasse à Piatti aux alentours de la boîte des 18. Et ensuite, Piatti réussit à mystifier tout le monde en remettant le ballon à Alejandro Silva. Alejandro Silva marque son deuxième but contre André Blake durant ce match. Et l'Impact 4, Union 1, ce match est terminé. Et l'Impact crée une surprise et un certain vent de fraîcheur partout où les fans montréalais se retrouvent. L'espoir de voir au moins un match de série cette année en 2018 renaît. Et l'Impact se retrouve seulement à 1 point de l'Union de Philadelphie en 5e position dans la conférence de l'Est. 2 passes décisives pour le Nacho Man, Ignacio Piatti, qui a réussi 2 très belles passes décisives sur les buts de Silva ce soir. Saphir Tinder, qui n'est pas nécessairement reconnu pour son jeu de maintien de ballon, mais qui a bien joué en jeu de maintien de ballon ce soir, c'est ce qui a créé quelques occasions marquées. Mais ce qui retient mon attention encore une fois, c'est cette nouvelle confiance acquise par l'Impact lors de jeux de transition. Et nous avons vu l'Impact en contre-attaque être extrêmement incisif ce soir. Encore une fois, je dirais les 4 buts marqués avec une contre-attaque, avec un jeu de transition. Et ce jeu de transition est souvent lancé ou créé par une interception, par un jeu défensif d'un Samuel Piet, d'un Michael Azira. Et ces deux joueurs, surtout Azira qui vient d'être acquis par l'Impact durant la dernière période de transfert, est impressionnante. Oui, Azira a manqué quelques chances aux alentours de 25 verges du filet adverse, a essayé quelques frappes de loin et ils sont allés faire un petit tour dans les estrades. Mais quand même, le jeu de transition d'un Azira est surprenant. Piet, on n'est pas surpris, on est habitué. Et en passant, Piet qui était avec le Canada la fin de semaine passée, lorsque le Canada a fait ses débuts, l'équipe canadienne a joué dans la Ligue des Nations de la CONCACAF contre les Îles Vierges des États-Unis. Et le Canada a gagné 8-0 contre cette petite préfecture des Caraïbes. Et le Canada a bien commencé son parcours en Ligue des Nations de la CONCACAF avec un beau match de 8-0. Mais Samuel Piet avec l'Impact de Montréal continue à prouver son utilité au milieu de terrain avec les jeux d'interception, transition et qui favorise la contre-attaque de l'Impact de Montréal. Je dois vous avouer, durant la fenêtre des transferts, lorsqu'on a acquis Quincy Amariquois, Michael Azira et même Bakary Sagnant, il y avait beaucoup de personnes qui étaient contentes, mais on était quand même en doute de voir comment ces acquisitions allaient performer et surtout aider le club à amasser les points durant cette fin de saison. Mais je crois qu'il n'y a plus aucun doute maintenant. Ces acquisitions sont plus que positives pour l'Impact de Montréal et nous avons un Quincy Amariquois qui a renaquis, je sens mes vieux bécherelles de français ici, là, mais qui a redécouvert le plaisir de jouer et qui se fait un plaisir de faire taire les détracteurs de la Ligue MLS de MLSsoccer.com qui prédisaient Philadelphie et DC United pour faire les séries avec cette victoire et surtout avec ce qu'on va voir plus tard ce soir. Le calendrier extrêmement difficile qui attend l'Union, Montréal pourrait, avec cette victoire, aller vers une place en série en 2018. Ce n'est pas acquis et ce n'est pas décidé encore, je vous l'accorde. Mais avec ce résultat, on est plus près que voilà quelques heures. Aussi, je voulais vous parler de ce travail exceptionnel de Quincy Amérique. Non seulement sur le but qu'il a créé et qui a marqué surtout, mais son jeu de maintien de ballon en tant qu'attaquant central. Une contribution qui était manquante avec l'Impact de Montréal, surtout lorsqu'on regarde un Matteo Mancosu. Oui, Jackson Hamel est capable de jouer ce type de rôle avec l'Impact, et on l'a vu durant les dernières années, qu'il est capable de le faire très bien. Mais en 2018, ce n'a pas été le cas encore pour un Jackson Hamel qui n'a pas eu la chance, je vous dirais, d'être capable de remplir ce rôle. Matteo Mancosu, on oublie ça, mais Quincy Amérique, avec son niveau d'implication, son niveau de travail dans le match et cette intelligence de jeu qui est capable de bien tempérer le ballon, de créer un peu d'espace pour un Piatti à droite, un Silva à gauche et même un Tider en avant de lui lorsqu'il a le dos au but, bien, on voit la contribution et on voit à quel point l'Impact peut utiliser ces instants de tempérance que je vous dirais d'un Quincy Amérique pour bien terminer leur effort dans le tiers adverse. J'ai été vraiment surpris. L'Impact a marqué 4 buts ce soir et avant ce soir, ils avaient 12 buts sur la route en 2018 total. Ce soir, ils ont marqué quasiment le tiers de plus de buts que durant la saison complète sur la route. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. Lorsqu'on regarde le calendrier de l'Impact qui s'en vient, regardons vite, vite, même s'il y a seulement un match sur la route pour le reste de la saison, ce match sera extrêmement important pour l'Impact car il est à Washington contre le DC United le 29 septembre. Donc, dans 2 semaines, ce match pourrait très bien décider qui a la 6e position à ce moment, ou même la 5e, tout dépendant de Philadelphie. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du match de ce soir, oui, j'ai marqué la force de caractère de l'Impact sur mes notes de match. L'Impact avait tiré d'arrière après 11 minutes de jeu et a trouvé le moyen de gagner 4-1. A trouvé le moyen d'ouvrir les brèches d'un Philadelphie Union et de profiter de leur occasion de marquer. Ce qui n'était pas toujours le cas pour l'Impact de Montréal. Et oui, une victoire de 3-0 durant le dernier match avant la pause internationale contre les Red Bulls de New York, mais ce match avec 2 buts marqués sur phase arrêtée, avec un match à la maison, une température clémente, c'était pas nécessairement un match qui était réplicable, surtout un adversaire qui avait joué 5 matchs en 15 jours. L'Union, ce n'est pas le cas. L'Union avait congé la semaine passée. L'Union était en forme et l'Union se battait aussi pour confirmer leur place en 5e position du classement. 40 points pour l'Union, je veux dire, 39 points pour l'Impact. L'Union aurait pu presque assurer une place en série avec une victoire contre l'Impact. Il aurait grandi le fossé entre les deux de 3, ouais, qui était 4 points, de 4 à 7 points, mais non. Et l'Impact a trouvé le moyen de bénéficier de toutes les opportunités qu'ils ont eues durant ce match pour rapetisser ce fossé à seulement 1 point. Maintenant, l'Impact se retrouve à 1 point derrière l'Union de Philadelphie et a un calendrier beaucoup plus facile que l'Union. Regardons le calendrier de l'Impact. Regardons les possibilités de gagner des matchs ici. Et ensuite, nous allons regarder le calendrier des deux adversaires directs dans la course aux séries dans la conférence de l'Est de l'Impact de Montréal. Alors, l'Impact, il leur reste 5 matchs cette saison en 2018. 4 de ces 5 matchs auront lieu au Stade Saputo. Le prochain match, le 22 septembre, contre le NYCFC. NYCFC qui est je dirais pas en chute libre, mais qui est en questionnement présentement. Et c'est le bon temps pour se mesurer aux Citizens de New York. Ensuite, l'Impact voyage à Washington pour leur dernier match sur la route en 2018, en saison régulière, contre le DC United, opposant direct dans la course pour les séries éliminatoires. Ensuite, on se transporte 6 jours plus tard, le 6 octobre, à la maison contre le Crew de Columbus. Peut-être la dernière fois que l'Impact jouera contre le Crew de Columbus à vie, car le Crew déménagera fort probablement à Austin pour devenir le Austin FC. Terrible. Terrible. On en reparlera une autre fois dans l'émission, mais je dois vous avouer que la perte du Crew de Columbus n'est pas nécessairement... Viens pas me chercher, moi, Columbus, c'est aussi important que de l'art des ormeaux ou que, je sais pas, moi, que... Un autre endroit qui m'est pas important. Mais je vous dirais, Columbus, pour la Ligue en tant que telle, une des équipes originelles, et si vous ne connaissez pas encore l'histoire du Crew de Columbus, au début de la MLS, en 95, la première saison fut en 96, et en 95, il y avait un sondage et des... Je dirais un sondage à travers les États-Unis, les villes qui étaient intéressées à avoir une équipe et les fans, les supporters pouvaient voter, mettre leur argent et être capables de dicter où une de ces concessions originelles aurait lieu. Ben, Columbus a été une de ces concessions. Donc, pour l'histoire de la Ligue, c'est une équipe qui est quand même très importante. Mais... L'argent parle, comme on dit, en 2018, et Anthony Precourt, qui est le propriétaire du Crew de Columbus et de Precourt Sports Venture, donc les opportunités d'affaires de sport de Precourt, bien, leur choix était fait il y a quelques années lorsqu'ils ont acheté le Crew de Columbus, et dans les petits détails du contrat en bas de la page, c'est ce qu'on oublie de lire souvent, là, qui est écrit très petit. Ben, c'était écrit que on pourrait au moins peut-être déménager la concession à Austin, nulle part ailleurs, mais au moins à Austin. Et maintenant, Austin ont accepté les modalités financières pour le stade et ont accepté les propositions. Donc, il n'y a plus grand-chose qui pourrait faire obstacle au déménagement du Crew vers Austin. Donc, l'Impact, le 6 octobre 2018, affrontera probablement pour la dernière fois le Crew de Columbus à Montréal, au Stade Saputo. Ensuite, l'Impact a deux semaines de congé jusqu'au 21 octobre pour se frotter au Toronto FC pour le dernier match rivalité de la saison 2018, le dernier derby des solitudes, le 21 octobre, au Stade Saputo. Et le dernier match de la saison contre la Révolution de la Nouvelle-Angleterre, le 28 octobre 2018. 4 matchs sur 5 en territoire familier, seulement un en territoire hostile. Et sur les 5, avec la façon que l'Impact joue présentement, les 5 sont gagnables. Admettons qu'il glisse à DC, parce que quand même seulement 3 victoires sur la route en 2018, mais c'est 4 matchs à la maison, donc l'Impact part favori pour ces 4 matchs en date d'aujourd'hui. Donc, on parle de 4 possibles victoires sans trop exagérer pour l'Impact de Montréal d'ici la fin du calendrier régulier de la MLS en 2018. Maintenant, regardons le calendrier restant pour le DC United, un des opposants directs, ceux qui soufflent dans le cou de l'Impact depuis quelques semaines. Il leur reste 7 matchs dans la Ligue, mais un de ces matchs est demain, donc ils ont un match en main avec l'Impact de Montréal, mais ces matchs arrivent très, très rapidement. Vous allez voir, il y a un enchaînement de 3 matchs en 10 jours au mois d'octobre et ces matchs arriveront très rapidement contre des adversaires pas nécessairement faciles. Donc, le DC United, dimanche 15 septembre 2018 contre le Red Bull de New York demain. Donc, je vous conseille d'écouter ça sur MLS Live qui est disponible sur DAZN. Et on prie pour une victoire des Taureaux Rouges. Ensuite, à la maison, évidemment, au Audi Field à Washington. Ensuite, le 29 septembre contre l'Impact de Montréal à la maison de Washington, au Audi Field encore une fois. Chicago ensuite le 7 octobre. Voilà, début de cet enchaînement de 3 matchs à 11 jours. Contre le FC Dallas le 13, contre Toronto FC le 17, contre le NYCFC le 21. Donc, on parle de 3 matchs en 11 jours et de 4 matchs en 16 pour le DC United. Et pour terminer la saison, ils sont sur la route au Toyota Stadium à Chicago pour affronter le Fire le 28 octobre. Donc, on parle de 7 matchs restants. Oui, 6 matchs sur 7 à la maison. Contre des équipes haut classement, bas de classement, mi-classement, je suis d'accord, mais même si c'est à la maison pour DC United, Red Bull vont être dur à battre. FC Dallas va être dur à battre. NYCFC vont se battre pour un match de séries éliminatoires à la maison durant ce match. Et Chicago voudra sauver sa saison, ou sauver la face au moins. Et ce sera le dernier match en carrière, probablement pour Bastian Schweinsteiger, le 28 octobre. Donc, un Chicago motivé. Donc, un calendrier pas trop facile pour le DC United. Maintenant, le calendrier le plus dur des trois équipes se battant pour deux places en séries éliminatoires et le calendrier des Union de Philadelphie. Voici leur calendrier. Il leur reste 7 matchs, 6 en ligue par exemple. Mais il leur reste 7 matchs quand même. Tout ça commence la semaine prochaine, le 19 septembre, sur la route à Seattle contre les Sounders, qui sont une des meilleures équipes de la Ligue. Et durant l'enregistrement de cette émission et en direct présentement, c'est 2-0 Sounders contre Vancouver. À Vancouver, Sounders qui sont présentement une des équipes les plus en forme de la Ligue. Ensuite, le 23 septembre, donc seulement 4 jours plus tard, ils se retrouvent à la maison, mais contre Kansas City, une des meilleures équipes, sinon une des équipes qui se battent pour le devant de classement de la conférence de l'Ouest. Ensuite, le 26 septembre, donc on se retrouve avec 1, 2, 3 matchs en 16 jours pour l'Union de Philadelphie. C'est la finale de la US Open Cup, qui est le championnat national des équipes professionnelles des États-Unis, qui a lieu le 26 septembre et qui a lieu sur la route à Houston. Houston, qui est un endroit très difficile à jouer. Il va faire chaud. Ça va saper l'énergie de l'Union. Et ce troisième match en 8 jours pourrait coûter très cher. Et surtout que 3 jours plus tard seulement, ils doivent revenir sur la côte Est pour maintenant se jouer contre le Crew de Columbus le 29 sur la route aussi. Ensuite, le 6 septembre, donc 6 octobre, une semaine plus tard, à Minnesota, à la maison contre Minnesota. 2 semaines de congé pour l'Union se retrouve le 21 octobre contre les Red Bulls de New York. Il termine la saison sur la route au Yankee Stadium le 28 octobre contre les New York City FC contre les Citizens de New York. Donc, on parle d'un calendrier chargé, difficile, contre 5 équipes sur 7 qui sont en position de séries éliminatoires présentement. Houston, ça compte pas vraiment parce que c'est pas un match de ligue. Donc, regardons juste les matchs de ligue. 5 équipes sur 6 qu'ils affrontent sont en une position de séries éliminatoires présentement pour l'Union. Donc, l'Union, c'est pas facile, c'est pas gagné d'avance. Et ils sont seulement à un point devant l'Impact présentement au classement de la conférence de l'Est. C'est pas gagné pour Philadelphie, mais ce n'est pas encore gagné pour Montréal et ce n'est pas encore gagné pour DC United. Oui, la Nouvelle-Angleterre est mathématiquement encore présente dans la course. Ce soir, LAFC, ce soir, quand vous écoutez cette émission, le match est probablement terminé. Ils affrontent le LAFC tard samedi soir et nous garderons un œil sur ce match plus tard cette semaine. Mais une défaite du Révolution et je crois que c'en est terminé. Même si Toronto FC a gagné 5-3 ce soir contre le LA Galaxy, oui, Zlatan a marqué son 500e but en carrière. Quel but! Un kick à la Taekwondo pour ramener l'écart à 3-1 à ce moment-ci. Le Galaxy qui a même ramené l'écart à 3-3, mais Toronto a trouvé le fond du filet 2 autres fois pour terminer ce match 5-3. Je crois que c'est quand même trop peu trop tard pour Toronto. Orlando, Chicago, on oublie ça. Et une défaite du Révolution, pour moi, terminerait les espoirs aussi de l'équipe de Foxborough, mais je crois sincèrement que ces deux places qui sont encore non acquises et surtout encore en je dirais, atteignable pour ces trois équipes qui sont Montréal, Philadelphie et le DC United. Selon vous, quelle équipe a le calendrier le plus facile, plus difficile de ces trois équipes pour terminer la saison? Vous pouvez toujours nous le mentionner sur les réseaux sociaux @KevLaramé et @surtransversal. Vous pouvez vous abonner à notre émission partout où vous trouvez vos balado-diffusions sur le baladoquebec.ca, iTunes, Apple Podcasts, le Google Play Store et surtout au sportspodcastingnetwork.com. J'espère que vous avez aimé cette édition de Sur la transversale. On vous rappelle la victoire de l'Impact de Montréal 4-1. Et jusqu'à la prochaine fois, mon nom est Kevin Laramé et je vous souhaite bon soccer.